professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, genre de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qui était le grognard grognon Paul-Louis Courier, l'illustre auteur au XIXe siècle du pamphlet des pamphlets? Comment a-t-il donné son sens moderne au terme pamphlet, demande Antoine Compagnon. Comment le mot « vengeance » est-il partout dans la guerre littéraire? Quelle était la place de Sainte-Beuve dans ses affrontements à la plume d'acier et celle de Chateaubriand, grand polémiste? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, Histoire, Critique, Théorie, propose d'ouvrir un deuxième cycle de cours, une fois n'est pas coutume chez lui, en poursuivant la série de 2017 autour de la littérature comme sport de combat. Pierre de Gasquet, qui vient de publier un beau portrait d'Antoine Compagnon, boxeur des lettres, star du Collège de France dans le journal Les Échos, le cite pour l'ouverture de cette nouvelle guerre littéraire. Au XIXe siècle, on passe de l'escrime à la boxe littéraire. Cela m'a semblé un bon titre pour désigner cette dimension combative de la vie des lettres. La littérature est un domaine compétitif, comme la recherche et le sport, depuis les concours de poésie chez les Grecs. Chez eux, c'était proche du sport, poursuit Antoine Compagnon. Notre ancien polytechnicien, converti à la littérature par Roland Barthes, dont il fut disciple et l'assistant au Collège de France, grand spécialiste de Montaigne et de Proust, s'était attaché l'an dernier à l'exploration des tropes de la guerre littéraire de 1819 à 1881. Dans le cours que vous allez découvrir aujourd'hui, il rappelle la longue alliance des armes et des lettres. Il nous fait entrer dans son laboratoire et dans ses réflexions de chercheur. Pourquoi donner une suite? Pourquoi revenir à la guerre littéraire? Qu'est-ce que le milieu d'une recherche demande-t-il? Avant de nous livrer l'escouade, selon sa formule, des duellistes des lettres, dont il propose d'explorer les personnalités, au sens moderne du terme, en essayant de les rattacher à un trope de la guerre littéraire. Et le tout premier de ces duellistes fameux, au sens propre et figuré, sera Paul-Louis Courier, l'homme du pamphlet. Et nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 9 janvier 2018 pour le cours d'Antoine Compagnon. Bon, c'est une très vieille histoire. Je m'y suis intéressé au 19e siècle, mais elle remonte loin, comme cette image vous le rappelle. C'est la rhétorique qui porte une épée, selon une représentation tout à fait traditionnel de cette allégorie qui est ici prise dans les noces de philologie et de Mercure de Marcianus Capella. Je vous rappelle que ce livre, c'est une encyclopédie, la somme de toutes les connaissances sous la forme d'un récit allégorique. Cela date du début du 5e siècle. Et dans un manuscrit, par exemple, dans un manuscrit du XVe siècle qui se trouve à la bibliothèque vaticane, pour illustrer ce livre 5 qui parle de la rhétorique, hein, c'est dans le cadre du Trivium, eh bien, vous la voyez représentée avec ce glaive. Cela vous rappelle que je me consacre au XIXe siècle, mais qu'il s'agit d'une représentation très ancienne et tout à fait traditionnelle. C'est ce topos intitulé « Arma et Literae », Je peux vous renvoyer ici au grand livre d'Ernst Robert Curtius sur la littérature européenne et le Moyen-Âge latin, où il s'intéresse à la persistance de cette métaphore de la plume et de l'épée à travers toute la littérature. Et c'est une équivalence qui se maintient donc longtemps après la fin de l'Ancien Régime. Ernst Robert Curtius, dans ce livre, montre comment il s'est agi d'abord d'un topos dans l'Antiquité rapprochant les armes et les sciences, fortitudo et sapientia, les muses et Mars, ars et Mars. Et puis que la variante de la Renaissance, celle dont nous avons un peu parlé l'an dernier, c'est celle des armes et des lettres plutôt que des armes et des sciences, et que de nombreux poètes faisaient le métier des armes. On l'a évoqué brièvement l'an dernier dans la Renaissance italienne, mais surtout le grand moment, c'est celui du siècle d'or espagnol. C'est dans la littérature espagnole, rappelle Curtius, que ce thème arma y letras est le plus présent et que l'on trouve un peu partout la rime espada pluma. Mais, ajoute Curtius, et c'est pourquoi je voudrais me référer à lui au début de cette seconde année de cours, Curtius ajoute que la fortune de ce qu'il appelle un topos, mais qui est plutôt un thème, la fortune de ce thème est considérable dans la France du XIXe siècle. Le XIXe siècle est le grand moment de la diffusion de cette métaphore de la plume et de l'épée. Je cite Curtius, « Elle acquit une nouvelle valeur pendant le romantisme français, sous l'influence de Napoléon, souverain à la grandeur antique. » Et Curtius rappelle que Balzac prenait comme devise que je crois avoir citée l'an dernier, « Ce qu'il a commencé par l'épée, Napoléon, je l'achèverai par la plume. » Et on se rappelle que Balzac avait un buste de Napoléon qui était accompagné de cette devise. Et Curtius cite également Vigny, auteur de « Servitude et grandeur militaire », est passé de l'épée à la plume, écrivant à la fin de sa vie, dans l'esprit pur, achevé peu avant sa mort, « J'ai mis sur le cimier doré du gentilhomme une plume de fer qui n'est pas sans beauté. » Et cette plume de fer symbolise bien ce passage de l'épée à la plume, ou encore de la gloire militaire à la gloire littéraire. C'est donc un grand moment que celui du XIXe siècle. On trouverait cette métaphore un peu partout chez Chateaubriand, mais voici un exemple, justement dans le volume intitulé « Polémique des œuvres complètes » qu'il a publié de son vivant lui-même. « Ce ne sont pas les baïonnettes de nos soldats, ce sont les plumes de nos révolutionnaires qui ont égorgé les prêtres. » Autrement dit, les prêtres ont été mis à mort, non par les baïonnettes, mais par les discours. C'est bien l'image de ces mots qui tuent plus que les baïonnettes ou les épées. C'est donc un grand moment que ce XIXe siècle, et je crois qu'il mérite que nous poursuivions une deuxième année. Je voudrais vous rappeler aussi le motif, l'origine de ce sujet. Comment j'en suis venu à ce sujet ? Je vous le rappelle que c'est à la faveur du crochet du chiffonnier, cours que j'ai fait dans le passé et livre qui est à présent publié. Je vous rappelle que cela vient du crochet du chiffonnier puisque dans toute cette configuration de la chiffonnerie au XIXe siècle, le crochet du chiffonnier, c'est à la fois une métonymie de la plume de l'écrivain. Le chiffonnier est traditionnellement comparé à l'écrivain, et de l'épée, puisque ce crochet est une arme blanche avec laquelle il se bat, notamment avec les gardes municipaux de Paris. Et, on s'en souvient, les chiffonniers sont très souvent d'anciens soldats, d'anciens grognards, et c'est pourquoi ce crochet du chiffonnier est vraiment le maillon entre la plume et l'épée. Il est constamment comparé aux deux. Il est en compétition avec l'arme blanche des autorités et avec la plume du poète. Et vous vous souvenez peut-être que j'avais insisté sur le fait que cette association de la plume et de l'épée dans le crochet du chiffonnier était encore renforcée par l'apparition de la plume de fer se substituant à la plume d'oie à partir de 1830. Et donc l'expression « plume de fer », lorsque Vigny parle de cette plume de fer qui n'est pas sans beauté, elle est évidemment à double sens, puisque la plume de fer, c'est à la fois la métaphore traditionnelle de l'épée et la métaphore tout à fait ordinaire de la plume qui est désormais métallique. C'est ainsi que cette réflexion sur la plume et l'épée, qui est notre fil conducteur, a donc pris la suite d'une réflexion sur le chiffonnier. C'est un petit peu une retombée inattendue, mais c'est ainsi que va, en tout cas, la recherche. Mais l'une des conséquences, c'est que la réflexion porte sur le même moment. Le moment du chiffonnier, c'est aussi le moment de la plus grande vogue du stéréotype de la plume et de l'épée. C'est le plus grand moment des batailles littéraires, des polémiques d'écrivains, des duels, des morts violentes, des incarcérations. Et ce moment, je dis, c'est le gros milieu du XIXe siècle, puisque c'est en gros celui de la restauration de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Ce n'est pas celui du Premier Empire, puisque l'exercice de l'autorité oblitère toute cette polémique, et ce n'est pas non plus celui de la Troisième République, puisque celui de la Troisième République, peu à peu, mettra fin à toutes ces batailles littéraires. Bon, c'est une recherche qui est encore en cours. Je crois que c'est comme ça que nous devons travailler ici. Je vous rappelle que l'an dernier, j'avais examiné 9 tropes, ce que j'avais appelé des tropes littéraires, plus ou moins dans un ordre alphabétique, je vous les rappelle, selon un certain fil narratif qui s'était tout de même dégagé, hein, partant de ces écrivains comme Sportif, Bravi, Condottieri, analysant cette grande opposition des amis et des ennemis, de la camaraderie et du charlatanisme, m'intéressant à l'exécution littéraire, à l'éreintement, à l'éreintage, à ces deux formes de l'éreintement qu'étaient l'épigramme et la personnalité, à différentes métaphores de l'épée comme plume, à la problématique dialectique de la diffamation et du duel qui traverse tout le siècle. Enfin, dans les trois figures qui étaient une sorte de conclusion à ce que j'avais appelé les guerrières, pour faire une sorte de pendant tout de même, sinon d'équité, parce que je sais bien que ce sujet de la guerre littéraire est malheureusement un sujet très viril et peut-être excessivement machiste aujourd'hui. J'avais pensé qu'il fallait consacrer une figure à la présence des femmes dans ce combat littéraire et à leur montée en puissance peu à peu au cours du siècle. Et puis, il y avait eu deux figures, je dirais, réconciliatrices, celle de la loyauté entre les adversaires, en reprenant un titre de René Char, et puis celle du repos du guerrier, autrement dit de la retraite et sinon de la pacification, du moins de ce que j'avais appelé l'osium carcéral, le loisir en prison, puisque tant d'écrivains y ont trouvé un moment de retraite et d'écriture au XIXe siècle. Alors c'était une liste assez arbitraire, mais il y avait aussi un parcours, un cheminement. Et bien sûr, cela laissait beaucoup de lacunes. J'avais beaucoup d'autres figures à traiter que j'avais énoncées dans les premiers cours. Mais je me suis trouvé bien embarrassé il y a quelques semaines quand je me suis demandé comment j'allais redémarrer après cette mi-temps, pour continuer dans ces métaphores sportives. Il y avait beaucoup de figures en attente qui demandaient à être examinées, mais par malheur, avec les deux ou trois dernières figures de l'an dernier, j'avais tout de même ménagé une sorte de conclusion. J'avais traité, en quelque sorte, le début et la fin. Cette fin de partie avec les loyaux des adversaires et le repos du guerrier. Comment revenir en arrière pour reprendre les tropes délaissées? C'est le problème du milieu. Les débuts de cours, c'est toujours très amusant. Les fins de cours aussi. C'est un peu comme les débuts et les fins de livres, d'ailleurs. Toujours plaisant. Le plus difficile, c'est toujours le milieu. Et il me restait à traiter le milieu. L'entre-deux. Le ventre mou. Et j'ai eu la crainte de vous ennuyer et peut-être encore plus de m'ennuyer. Et je me suis demandé comment faire pour reprendre, comment me tirer de cette impasse dans laquelle je m'étais mis en disant que je poursuivais ce cours une deuxième année. Et j'ai décidé de me rattraper avec la solution que j'avais employée dans Les Antimodernes, livre publié il y a un certain temps, où il y a deux parties. Une partie qui examine les tropes ou les figures qui définissent cette condition antimoderne, ce tempérament antimoderne, et dans une seconde partie du livre, les grands personnages, les grandes personnalités qui peuvent témoigner de ce tempérament. Donc personnalité, non pas au sens que j'avais exploité l'an dernier, où la personnalité c'était l'attaque contre la personne au XIXe siècle, l'argument ad personam, mais la personnalité au sens plus contemporain, hein, au fond des grands hommes du combat littéraire au XIXe siècle. Et malheureusement, j'aurais du mal à y inclure d'autres genres que des hommes. Comme pour les antimodernes, eh bien, il y aura donc deux parties, et plutôt que de revenir à d'autres tropes qui seraient forcément moins cardinaux et de dérouler la liste, je voudrais m'intéresser à quelques grands athlètes de la plume et de l'épée, quelques grands soldats des lettres, grands combattants, décoré, médaillé. C'est une autre manière d'aborder l'affaire et je tenterai justement de raccrocher un trope à chacun de ces personnages, un de ces tropes du milieu, si vous voulez, que je ne voulais pas aborder au risque de vous ennuyer. Alors, quels seraient ces grande figure tutélaire. Ces grands hommes de la guerre littéraire au XIXe siècle. Le premier, je pense que j'ai pu le citer à l'occasion de l'an dernier, mais je ne m'en souviens pas, le premier sera évidemment Courier, Paul-Louis Courier, puisqu'il est celui qui a inventé le genre littéraire du pamphlet. Le pamphlet, en tout cas le terme, ne signifiait pas ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui avant lui. Il est le pamphlétaire par excellence sous la Restauration, l'inventeur du genre, et autour de Fourier, il y a beaucoup de mythes et de légendes, puisque Fourier est décédé de mort violente, assassiné, ancien officier pamphlétaire assassiné. Le deuxième, eh bien, c'est un autre officier écrivain, c'est Armand Carrel, que j'ai sans doute dû aborder également, peut-être ai-je mentionné son nom l'année dernière, lieutenant et journaliste, comme Courrier était commandant, je crois, et journaliste. Armand Carrel, qui meurt, lui aussi, de mort violente, puisqu'il meurt en duel en 1836, et que ce duel est l'un des plus célèbres du XIXe siècle. C'est un duel entre deux journalistes, Armand Carrel et donc rédacteur en chef du National, républicain, journal républicain, et Émile de Girardin, le fondateur de la presse, le journal à grand tirage et à grand format. Ce duel entre deux journalistes est probablement le duel le plus célèbre du XIXe siècle et il restera tout au long du siècle comme la référence de ces combats absurdes. Donc, il sera certainement le deuxième de ces personnages auxquels je m'intéresserai. Il y en aurait d'autres que j'énumère, mais sans savoir encore tout à fait qui je choisirai. J'aimerais bien parler de Latouche, Henri de Latouche. Je crois que je l'ai évoqué l'année dernière. On se souvient de lui surtout comme de l'auteur de Fragoletta. Sinon, il est assez négligé. Mais c'est un personnage central de la vie littéraire. Latouche est vraiment le fielleux, le teigneux de la littérature. L'auteur de cet article que j'ai cité l'an dernier, intitulé « De la camaraderie littéraire », publié en 1829, contre les romantiques, contre le clan romantique, auquel Gustave Planche, le rédacteur de la Revue des Deux Mondes, a répondu par un article très célèbre intitulé « De la haine littéraire, camaraderie et haine ». Voilà le contexte. Il faudrait ensuite, mais je ne parlerai sans doute pas de tous ces personnalités, parler de Béranger, le poète, toujours comparé, le chansonnier républicain, comparé à Courrier dans la prose. On pourrait parler de Lamennais et de Montalembert, les polémistes catholiques. On pourrait parler de Louis de Cormenin, le successeur de Courrier dans le genre du pamphlet sous la monarchie de Juillet. Et puis, il y a toute une lignée que j'avais brièvement évoquée l'an dernier et sur laquelle j'aimerais revenir, c'est celle de ces couples de combattants. Vous voyez que ces combats sont très souvent des duels, et il y a donc des couples, comme ce couple Latouche-Planche, camaraderie et haine littéraire. Ces couples, eh bien, il y aurait le couple de Nisard et de Janin. En 1834, la polémique sur la littérature facile. L'un qui l'attaque et l'autre qui défend la littérature nouvelle. Et puis, il y aurait ce couple de Janin et de Granier de Cassagnac, que j'ai évoqué parfois l'année dernière, mais sans jamais le traiter. Mais vous vous rappelez sans doute que Baudelaire les oppose comme la ligne droite et la ligne courbe. Granier de Cassagnac, c'est une métaphore qui vient de l'escrime. Granier de Cassagnac qui critique avec une ligne droite et Janin de manière détournée par ligne courbe. Il faudrait donc évoquer ce couple-là. Et puis, il y a un couple qu'il faudrait encore évoquer, c'est celui de Granier de Cassagnac et Veuillot. Veuillot, le grand polémiste catholique de la seconde moitié du siècle. Lorsque Goncourt, dans son journal Edmond de Goncourt, évoque très souvent ce couple, par exemple, il dit de ceci: « J'entends Sainte-Beuve crier sur Veuillot et Cassagnac, c'est que ces canailles-là croient à quelque chose. » Voilà donc ce qu'il faudrait traiter. Et il y aurait aussi un couple Proudhon et Veuillot qui figure souvent dans la littérature. La violence de gauche et la violence de droite, si vous voulez. Et cela nous ferait parvenir, j'imagine, si nous avions le temps, jusqu'à Barbé d'Aurevilly, qui d'ailleurs parle de tous ses prédécesseurs. Le Collège de France et France Culture vous présente Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Paul-Louis Courier, l'homme du pamphlet, première partie. Lorsque je me suis mis à ébaucher cette petite liste des personnages que j'aimerais bien évoquer, sorte de tableau d'honneur des grands combattants des lettres dans ce cœur du XIXe siècle, j'ai soudain pris conscience que Sainte-Beuve était au milieu de cette toile, de ce réseau. Sainte-Beuve a écrit sur tous ces personnages. Et je dirais non pas parce qu'il a écrit sur tout le monde, mais parce qu'il consacre des pages importantes à tous ces écrivains combattants. À Courier, un long article de 1852, à Carrel, un autre article de 1852, c'est un moment très intéressant, c'est entre le 2 décembre et c'est le moment de la présidence dictatoriale. À Janin, un article, long article de 1851. À Nisard, bien sûr, plusieurs articles. À Latouche, à Granier de Cassagnac, à Veuillot, long article de Sainte-Beuve sur Veuillot, et bien sûr, à Barbé, pour finir. Ils ont tous été portraiturés par Sainte-Beuve dans les portraits littéraires, les portraits contemporains ou les causeries du lundi. Enfin, je vous l'ai dit, j'aimerais bien parler de Sainte-Beuve et de Balzac, hein, puisque c'est une sorte de modèle de la haine littéraire. La haine de Sainte-Beuve pour Hugo est plus intime, plus personnel, mais la haine pour Balzac fait qu'il y a là un très long règlement de compte. Et finalement, Sainte-Beuve règle son compte avec Balzac bien après la mort de Balzac. Voilà cette armée, cette petite armée ou cette escouade, cette constellation combattante. Et je pourrais ajouter qu'ils ont écrit les uns sur les autres, puisque le premier grand texte sur Courier, c'est l'introduction de Carrel, aux œuvres de Courier, Essai sur la vie et les écrits de Courier, en tête de ses œuvres complètes publiées après sa mort. Si l'on voulait encore élargir, vous l'avez compris, il faudrait commencer avec Chateaubriand, puisque tout le monde se réfère à Chateaubriand comme au grand polémiste, et il en sera question, et peut-être faudrait-il poursuivre jusqu'à Blois, qui conclurait cette série. Mais je crois que je me concentrerai autour de quelques figures de Courier à Barbé d'Aurevilly, avec Chateaubriand tout de même comme modèle des écrits polémiques, puisque Chateaubriand n'utilise jamais le terme de pamphlet. Le terme de pamphlet est encore un néologisme aux yeux de Chateaubriand. Mais c'est sous le terme de polémique que Chateaubriand décrit toujours une série de ses écrits, depuis de Buonaparte et des Bourbons en 1814 jusqu'à tous ses libelles sur la liberté de la presse en 1818-1820, puis en 1824-1826, quand il a perdu le ministère. Il s'agira donc en partie de revenir à Sainte-Beuve dans ce cours, qui me paraît une sorte de patron, souvent masqué, de cette guerre littéraire au XIXe siècle. Et on vient de rééditer, on vient non pas de rééditer, mais d'éditer le cahier brun. Nous avons donc les deux cahiers de Sainte-Beuve, le cahier vert qui avait été publié en 1973 et le cahier brun qui a été publié par Patrick Labarthe chez Droz en 2017. Dans ces cahiers, Sainte-Beuve écrit, donc c'est le réservoir de tout ce qu'il a à dire sur ces différents personnages, « Ceci est mon arsenal de vengeance. » Arsenal de vengeance. C'est un peu le thème central auquel je voudrais venir. Ce mot « vengeance » est partout dans ces textes. La littérature comme vengeance. Arsenal de vengeance. Il dit aussi, dans ce cahier vert, ce sont ici des couleurs à l'état de poison. Délayez un peu, vous avez des couleurs. Les poisons, c'est sous ce titre que certains de ces fragments seront publiés. Sainte-Beuve disait de ses écrivains qu'il analysait, chaque écrivain à son mot de prédilection qui revient fréquemment dans le discours et qui trahit par mégarde chez celui qui l'emploie un vœu secret ou un faible. On a remarqué que Madame de Staël prodiguait la vie, tel grand poète épanche sans relâche l'harmonie et les flots, Lamartine, tel autre à l'étroit dans cette civilisation étouffante ne peut s'empêcher de remonter à une scène héroïque et au monde des géants, Hugo. Un éloquent professeur de psychologie morale exprime volontiers par une plainte mélancolique l'insuffisance de cette contemplation familière, c'est Jouffroy. L'improvisation brillante du plus ingénieux de nos critiques se redisait sans y songer sa propre louange à elle-même, Villemain. Je sais un journaliste courageux chez qui le mot de colère signait presque à chaque fois l'article. Il s'agit de Dubois, le fondateur du Globe. Je sais un romancier anonyme chez qui le mot de fiel revient plus souvent qu'il ne faudrait. Il s'agit bien sûr de Latouche, que je qualifiais tout à l'heure du fielleux, l'écrivain fielleux par excellence. Eh bien, vous le voyez, avec chacun des écrivains que je voudrais évoquer cette année, j'aimerais bien trouver idéalement ce mot de prédilection qui serait le trope du milieu, le trope que j'ai laissé pour compte l'année dernière. Sainte-Beuve écrivait encore « Chaque écrivain a son mot de prédilection, lequel, en revenant fréquemment dans le discours, peut servir à qualifier celui-même qui l'emploie. C'était bien avant la critique thématique, mais on avait cette idée qu'on pouvait repérer une sorte de noyau chez un écrivain, une sorte de signature stylistique. Et c'est ainsi que Sainte-Beuve, je le disais, écrit tout un article sur Nisard. Et puis, que dit-il de Nisard, qui est un ancien collègue, journaliste, justement dans le National d'Armand Carrel, qu'est-ce qu'il dit dans son cahier vert, le cahier de ses poisons? Il a écrit 50 pages sur Nisard. Ben, ces 50 pages, elles se résument dans un mot de son cahier intime. Le fin mot de mon article sur Nisard est bien simple. Monsieur Nisard a un certain mérite, mais Monsieur Nisard est un sot. Il a fallu recouvrir et délayer cela pour la galerie. Hein ? Délayer. Vous avez entendu ce mot tout à l'heure à propos des poisons. Les poisons qui sont dans le cahier vert et dans le cahier brun, qui sont délayés dans les articles. Poison délayé, Monsieur Nisard est un sot. Il faut savoir lire entre les lignes que Nisard est un sot. Sainte-Beuve écrit encore dans son cahier vert, « Dans mes portraits, le plus souvent, la louange est extérieure et la critique intestine. Pressez l'éponge, l'acide sortira. » Il faut donc lire le portrait de Nisard et en extraire cet acide. Nisard est un sot. Alors, je ne voudrais pas extraire de chacun de mes portraits un mot, un fin mot, comme dit Sainte-Beuve, aussi sévère, mais tout de même, je voudrais qu'avec chacun de ces écrivains, je puisse en venir à une figure centrale de cette guerre littéraire au cœur du siècle où elle a été la plus forte. Et je commence donc avec Courrier. Courrier, eh bien, c'est pas très compliqué. Courrier, c'est l'homme du pamphlet. C'est l'inventeur du pamphlet. C'est le pamphlétaire. Et voici l'écrivain paradoxal qu'est ce Courrier, puisqu'il est aujourd'hui, il faut bien avouer, assez méconnu, ignoré des manuels, alors qu'il a été le grand écrivain de la Troisième République. Au fond, Courrier a disparu avec la Troisième République. Il a disparu avec la guerre contre les curés, avec l'anticléricalisme, puisque c'était contre eux qu'étaient dirigés ces pamphlets. Ce portrait, eh bien, c'est justement celui qui figure en tête des œuvres complètes de Courrier, avec en préface l'essai de Carrel sur Courrier. Et voici son portrait qui s'inspire de cette gravure, son portrait par Harry Schaeffer, qui se trouve au musée de Versailles et qui date probablement d'après la mort de Courrier en 1825. Celui qui le qualifie d'homme du pamphlet, c'est Janin, dans son article sur le journaliste, dans les Français peints par eux-mêmes, où il énumère les genres du journalisme. Il est donc l'homme du pamphlet, et je dirais donc que pamphlétaire sera le fin mot. Ce n'est sans doute pas son mot de prédilection, parce que le mot de pamphlet, je vous le disais, le mot de pamphlet, c'est un néologisme, et que Courrier l'ignore, ce sont ses accusateurs qui traitent ces textes de pamphlet et qui le qualifient de pamphlétaire avant qu'il ne reprenne le terme dans son dernier pamphlet, le plus célèbre peut-être, intitulé en 1824 « Le pamphlet des pamphlets ». Et c'est ce mot Et c'est ce titre, le pamphlet des pamphlets, qui donne sa célébrité au mot dans le français contemporain. Courrier, c'est donc le maillon capital pour passer au sens moderne, qui est le nôtre, du mot pamphlet, pour le diffuser, pour le généraliser. Qui était Fourier ? Je passe très vite là-dessus. Né en 1772, mort assassiné en 1825, il est donc à peu près le contemporain de Chateaubriand et de Napoléon. Tout juste un peu plus jeune, et il entre bien dans cette génération de Chateaubriand et de Napoléon, un peu plus jeune que Stendhal. Il est officier d'artillerie de la Révolution et de l'Empire, et en même temps savant helléniste, officier helléniste, militaire helléniste, officier savant, traducteur de Xénophon, d'Hérodote, et ce qui l'a rendu le plus célèbre, éditeur et traducteur de Daphnis et Chloé, de Longus, après Amyot. Ça, c'est son activité sous l'Empire et la Révolution. Et puis, sous la Restauration, il est le propriétaire terrien, le pourfendeur de l'aristocratie et des curés. On dit parfois qu'il y a deux courriers, le courrier officier helléniste et le courrier propriétaire terrien, vigneron, comme il le revendique. Mais, me semble-t-il, on peut soutenir qu'il n'y en a qu'un, qu'il est toujours le grognard ou le grognon. Et il se présente dans ses pamphlets, non pas comme officier et comme propriétaire, mais comme canonnier. Il récuse toujours ce terme d'officier et comme vigneron au terme d'une médiocre carrière. On s'étonne que quelqu'un d'aussi qualifié ait pu faire une aussi médiocre carrière à travers les guerres de la Révolution et de l'Empire, mais c'est sans doute à cause de ce que Sainte-Beuve appelle son habitude d'indiscipline qui fait qu'il est souvent mis aux arrêts en raison de sa lenteur à rejoindre ses affectations, ou en raison de ce que Carrel nomme pudiquement son philosophique éloignement des hauts grades. Il n'est jamais allé au-delà du grade de commandant d'artillerie, alors que tous ses contemporains étaient généraux, sinon maréchaux, qu'ils continuaient de fréquenter. Peu conforme à l'éthique de cette grande armée. Il est par exemple tout à fait hostile au pillage lorsqu'il débarque à Rome en 1799 et il se confie à un ami dans une superbe lettre « Dites à ceux qui veulent voir Rome qu'ils se hâtent, car chaque jour, le fer du soldat et la serre des agents français flétrissent ses beautés naturelles et la dépouillent de sa parure. » Puis c'est une lettre très longue sur le sac de Rome par l'armée française, lettre superbe. Et puis il y a une autre lettre tout à fait superbe sur l'Empire de Courrier. C'est lorsque le colonel de son régiment en Italie consulte ses officiers sur l'opportunité de l'Empire. L'opportunité de la déclaration de l'Empire. Et voici ce qu'il écrit dans un de ses correspondants en France. « Nous venons de faire un empereur ou la République, lequel est le plus de votre goût, comme on dit, rôti ou bouilli, potage ou soupe, que voulez-vous ? » Et dans cette assemblée des officiers, il y a un jeune officier qui proteste. Et qui n'est pas pour le passage à l'Empire. Courrier le fait taire en lui disant que ça n'a pas grande importance et on se lève, dit-il, on signe et on s'en va jouer au billard. Et puis il explique à l'autre pourquoi il a voté. En effet, que signifie, enfin c'est ce qu'il explique à son correspondant français, que signifie, dis-moi, un homme comme lui, Bonaparte, soldat, chef d'armée, le premier capitaine du monde, vouloir qu'on l'appelle majesté, être Bonaparte et se faire sire, il aspire à descendre. Mais non, il croit monter en s'égalant au roi. Il aime mieux un titre qu'un nom. Pauvre homme, ses idées sont au-dessous de sa fortune. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas véritablement deux courriers, puisque dès 1804, au moment de la déclaration de l'Empire, il s'en prend déjà à la souveraineté, comme il le fera sous la Restauration. C'est un superbe témoignage de la naissance d'un pamphlétaire, de son indépendance d'esprit, à moins que ces lettres n'aient été réécrites par la suite. Ce que nous ignorons, puisque à sa mort, la publication de toutes ces lettres était préparée, et on ne sait pas si ce sont des lettres authentiques. Elles ont été publiées après sa mort, en 1828. Il est bien possible qu'il ait fait une sorte de monument après coup, et que ses critiques du sac de Rome ou ses réserves à l'égard de l'Empire, elles soient postérieures. En tout cas, il quitte l'armée en 1809, reprend du service pour aller se battre à Wagram, mais déserte à Wagram, et séjourne en Italie jusqu'à la fin de l'Empire. C'est très proche de Stendhal, et il sera très lié à Stendhal. Il restera longtemps à Rome, avant de revenir à Paris en 1814. Et l'erreur de sa vie, vous allez comprendre plus tard, d'épouser une jeune fille, la fille de son maître en grec, professeur au Collège de France, Étienne Clavier, qui avait 23 ans de moins que lui. Elle avait 19 ans, il en avait 42, et le pauvre en mourra. En tout cas, c'est le moment où, au début de la Restauration, il devient le pamphlétaire, le grand pamphlétaire de la Restauration. Voici ce que dit Sainte-Beuve. Après 1815, on eut le Paul-Louis Courier, soi-disant vigneron, ancien canonnier à cheval, ayant son rôle, sa blouse, son fusil de paysan, ou peu s'en faut, de braconnier, tyran aux nobles et aux capucins. Voilà, tyran aux nobles et aux capucins. Hein, c'est toujours la guerre contre l'alliance du trône et de l'autel, à tout bout de champ, derrière la haie ou le buisson, ami du peuple et le louant, le flattant fort. Et il commence, dès 1816, sa campagne contre la réaction royaliste dans le village de Touraine, où il a ses bois, le village de Luynes. Et il commence par un texte en 1816 qui s'appelle « Pétition aux deux chambres » à la suite de l'arrestation d'un paysan qui a refusé d'ôter son chapeau au passage du curé qui accompagnait un mort au cimetière. C'est ça, le début de sa croisade. Et il écrit « La terreur à présent règne à Luynes et ne cessera que pour faire place à la vengeance. » Cette vengeance qui revient et ce cycle de la terreur et de la vengeance qui anime tout ce moment. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se réfère immédiatement à l'autorité de Chateaubriand. Chateaubriand a dit dans le livre défendu que tout le monde lit, le livre défendu que tout le monde lit en 1816, c'est de la monarchie selon la charte. Vous avez deux poids et deux mesures, pour le même fait, l'un est condamné, l'autre absous. Il entendait parler, je crois, de ce qui se passe à Paris, mais à Luynes, messieurs, c'est toute la même chose. Le rapport avec Chateaubriand, comme on va le voir, est essentiel dans toute cette, comment dire, genèse du pamphlet. Alors, après cette pétition aux deux chambres, son premier véritable pamphlet, mais le mot n'existe toujours pas, je vous l'ai dit, c'est un texte qu'il écrit contre l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en 1819. Il n'y a pas été élu à la succession de son beau-père, le professeur au Collège de France, Étienne Clavier. Et évidemment, après ce coup d'éclat, il ne sera jamais élu. Et il écrit ce pamphlet pour se laver du ridicule de sa candidature, où il écrit par exemple « Vous voyez bien, messieurs, que je ne vous en veux point. Je cause avec vous. Et de fait, si j'avais à me plaindre, ce serait de moi et non pas de vous. Qui diantre me poussait à vouloir être de l'Académie ? Et qu'avais-je besoin d'une patente d'érudit, moi, qui, sachant du grec autant qu'homme de France, était connu et célébré par tous les doctes de l'Allemagne ? Que me fallait-il davantage ? Quelle bizarre fantaisie à moi, qui m'étais moqué 40 ans des coteries littéraires et vivais en repos, loin de toute cabale, de m'aller jeter au milieu de ces méprisables intrigues. » Évidemment, il ne sera jamais élu. Puis, le chef-d'œuvre de Courrier, c'est le simple discours de Paul-Louis Vigneron en 1821, à l'occasion de la souscription nationale pour l'acquisition de Chambord. Il a été récemment question beaucoup dans l'actualité de Chambord, mais personne n'a rappelé, me semble-t-il, comment Chambord était une propriété de l'État aujourd'hui. Chambord a fait l'objet d'une souscription nationale en 1821, alors que le château était dans des mains privées. Il avait été donné par Napoléon au maréchal Berthier et il était mis en vente par sa veuve. Et on eut l'idée d'une souscription nationale pour l'offrir au petit duc de Bordeaux, l'enfant du miracle, dont le père, le duc de Berry, avait été assassiné en 1820, 7 mois avant sa naissance. La souscription nationale était quasi obligatoire pour tous les fonctionnaires. Elle était aussi quasi obligatoire pour toutes les communes. Et c'est ainsi d'ailleurs que le duc de Bordeaux est devenu comte de Chambord, un peu plus tard. En tout cas, Courrier protesque, et sa gloire vient de là, puisqu'il sera poursuivi, qu'il aura un procès et qu'il ira en prison. Il est poursuivi aux assises, en 1821, à la suite de son discours contre la souscription, pour offense au roi, provocation d'offense au roi, outrage à la morale publique et religieuse. Finalement, tout ça se réduit à outrage à la morale publique parce que le reste n'a pas de vrai fondement. Et il est l'un des premiers condamnés au terme de la loi de diffamation que j'avais évoquée l'année dernière, la loi de diffamation de la Restauration en 1819, qui a été révisée en 1822. Et il est très célèbre en raison de ce procès d'août 1821 qui le voit condamné à 2 mois de prison et 300 francs d'amende. Il ira à Sainte-Pélagie, la prison des délits de presse, mais non sans un nouveau coup d'éclat, puisque comme beaucoup d'autres le feront dans ce 19e siècle, il en profite pour publier son procès. Et le texte le plus long de Courrier, c'est le compte-rendu de son procès, procès de Paul-Louis Courrier, vigneron de la Chavonnière, à l'occasion de son discours sur la souscription de Chambord, publié à la veille d'aller se rendre en prison. Et puis j'évoquais ce dernier chef-d'œuvre, le pamphlet des pamphlets, le premier texte qui revendique ce terme, et dans lequel nous lisons « Qui dit pamphlet, dit un écrit plein de poison. » C'est l'un de ses adversaires qu'il définit ainsi. Moi, je dirais « Qui dit pamphlet, dit courrier. » Il est le grand écrivain du pamphlet au XIXe siècle. Il est le grand écrivain des manuels de la Troisième République, libéral, orléaniste, orléaniste sous la Restauration, anticlérical, classique du radicalisme aux yeux d'Albert Thibaudet, pour qui il a une place fondamentale dans l'histoire politique. Il est le pamphlétaire de gauche avant que l'esprit pamphlétaire vire à droite. Il est le modèle du pamphlétaire de gauche dans la tradition française avant que le genre du pamphlet, l'esprit pamphlétaire, vire à droite avec Rochefort, Veuillot, tandis que, ajoute Thibaudet, le journalisme de gauche devient ennuyeux, sérieux. Il y a pour Thibaudet cette trilogie de la fondation du radicalisme français, Béranger, le chansonnier, Courrier, le pamphlétaire et Stendhal. Tout ça nous mène bien sûr à Rouge et le Noir. Tout ce que Stendhal a à dire de la congrégation, eh bien on le trouve dans les pamphlets de Courrier. Thibaudet écrit dans son Histoire de la littérature française, publiée à la toute fin de la Troisième République, 1936, il y a une grande littérature de la contre-révolution, il y a une misérable littérature de la révolution officielle et déclamatoire, mais il y a, par Courrier, Béranger, Stendhal, une littérature vraie de la révolution réelle. Par la suite, les polémistes les plus réussis ont appartenu à une tradition pamphlétaire de droite. Veuillot, que je citais tout à l'heure, Barbey de Reville, Blois, Drummond, Daudet, Bernanos, Céline, dont on reparle aujourd'hui à propos de la publication de ses pamphlets. Et Thibaudet écrit à ce sujet, c'est dans un article sur Drummond, « Je n'ose pas dire qu'à gauche, on ne s'est pas engueulé, mais ce n'est plus ça. Vallès, grand écrivain, n'a pas trouvé son style de polémiste. La tradition classique Courrier, Cormenin, Abou, œuvre paraît bien anémiée à côté de la veine torrentielle de droite. Ce qui équilibrerait à gauche les grands pamphlétaires de droite, ce serait moins les publicistes que la caricature et les châtiments. Daumier et Victor Hugo. » Et bien entendu, Thibaudet pense à ce grand moment de la caricature après 1830 autour de la caricature politique avec Daumier et Gavarni et plus tard au châtiment. Mais vous voyez que pour Thibaudet, eh bien, c'est la fin. Et voilà donc le très curieux destin de ce grand écrivain. Carrel, dans les premiers mots de sa notice des œuvres complètes, parle de grand écrivain en 1834, à peu près totalement ignoré aujourd'hui, indisponible en librairie. Il y a eu une pléiade Courrier. Elle a été publiée en 1940. Justement, ça marque bien le terme de cette Troisième République et de la fin de cette culture radicale. Et elle n'a plus été réimprimée depuis 1964. C'était les cours du Collège de France le 9 janvier 2018. Vous venez d'écouter Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Paul-Louis Courrier, l'homme du pamphlet, première partie. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Antoine Compagnon. Sa série de cours sur les chiffonniers de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard en 2017. Un grand merci aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons avec Antoine Compagnon notre exploration du pamphlet et de la pratique de Paul-Louis Courrier. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.